39e leçon. Un argument convaincant. Vous n'avez pas une petite pièce pour moi, monsieur? Bien sûr que non. Oh, monsieur, je n'ai rien. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de maison et je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus qu'une seule chose au monde. Quoi? Ce petit revolver. Alors, vous n'avez toujours pas une petite pièce? À la fortune du pot. Je vous ai invité à dîner, mon cher ami, mais regardez, je n'ai plus rien dans mon garde-manger. Plus de sucre, plus de pain, plus de riz, plus de biscuits, plus de conserves, tenez. Ah si, il y a quelque chose. Une énorme toile d'araignée. Bon appétit. Exercice. Est-ce que vous avez deux enfants, ma chère amie? Bien sûr que non. Je n'ai qu'un enfant. Il nous a invités à déjeuner vendredi prochain. Je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Il n'a plus qu'une chose au monde. Qu'est-ce que c'est?